Chapitre 2e. L'émouvante scène qui précéda l'invasion des serpents corail ne fut pas difficile à reconstituer. Pendant que Don Blas et les Américains, croyant la victoire définitive, travaillaient avec ardeur à la réfection de la hacienda, l'ennemi veillait. Un ennemi implacable et vraiment terrible pour qui connaît la férocité d'une haine de métis. Il s'était juré qu'il aurait à sa merci Don Blas ruiné, pieds et poings liés, et il tiendrait parole coûte que coûte. Cet ennemi, c'était Andrés, qui avait montré ce dont il était capable, et que la Sendero avait eu le tort de trop dédaigner. Certainement, il devait être embusqué dans le voisinage, surveillant de près l'habitation, instruit jour par jour et heure par heure de tout ce qui s'y passait. Aussi, voyant s'implanter là, comme à demeure, Harry Jones et sa troupe, assistant de loin à leurs travaux, voulant et ne pouvant les éloigner, il résolut de se débarrasser d'eux par le poison. Oh, ce ne fut pas long. Il tenait, pour ainsi dire, dans sa main tous les Mansos et tous les métis qu'il avait fanatisés et qui lui obéissaient jusqu'au crime. Le poison fut versé aux Américains. 5 périrent, et tous auraient succombé à brève échéance sans l'arrivée du docteur et sa miraculeuse intervention. Naturellement, Andrés connut aussitôt ce commencement de guérison. Le poison n'ayant pas réussi, le misérable recourut, séance tenante, au venin qui ne pardonne pas, celui de l'Eplaps Corail. Ces terribles ophidiens pullulent dans les bois et même aux abords des habitations. Les capturer, les enfermer dans des cages n'est point difficile pour ces indigènes qui savent les charmer et les manier impunément. Dès lors, et l'obscurité aidant, les transporter dans ces cages et les introduire dans l'infirmerie n'était plus qu'un jeu d'enfant. Andrés donna l'ordre formel à deux de ses fidèles d'exécuter la consigne sauvage. Un de ses émissaires de mort pénétra dans la case et lâcha les terribles bêtes. Selon l'étrange habitude familière à leurs congénères, les petits serpents se rapprochèrent des lits et au moindre mouvement mordirent deux malades. L'autre fut aperçu par un des factionnaires. Il reçut un coup de fusil et tomba mortellement atteint près de sa cage renfermant une douzaine de serpents rendus furieux par quelques drogues malfaisantes. On sait le reste jusqu'au moment où le docteur conseilla formellement à Don Blas d'évacuer sans retard la hacienda. Sous peine de mort, il fallait s'y résoudre. Quelque douloureux que fût ce départ qui ressemblait à une déroute. Ce principe, une fois admis, on prépara l'exode vers un séjour moins dangereux et surtout éloigné des anciens travailleurs désormais à la merci d'Andrés. Mais où aller? Les villes, avec leur civilisation étriquée, leur horizon borné, leur population empilée, ne pouvaient convenir à ces pionniers d'avant-garde. À ces enfants du désert, il fallait le désert, avec ses espaces sans limite, sa liberté sans entrave. Et Don Blas conclut ainsi « Nous abandonnerons la hacienda, mais ce sera pour nous enfoncer dans le bolson de Mapimi. Nous sommes 45, nous avons des armes et des vivres, partons au plus vite, les convalescents se remettront pendant le voyage. » Du reste, il avait depuis longtemps l'intention de fonder un établissement sur la lagune de Tianalila. Arrosé par les crues périodiques succédant chaque année à la saison des pluies, les terrains couverts de limons sont d'une fécondité prodigieuse, à tel point que le coton et la canne à sucre y croissent à profusion à l'état sauvage et sans la moindre culture. En outre, la plupart des végétaux de la zone tropicale ou subtropicale y surabondent, offrant aux colons l'utile et l'agréable, tout ce qui peut embellir et assurer l'existence. Les provisions, les meubles essentiels, les instruments furent soigneusement aménagés dans 4 immenses chariots, véritables maisons roulantes qui renferment tout un monde. Chaque chariot fut attelé de 10 mules vigoureuses, et 8 jours après l'attentat, la caravane se mettait en route, à l'ébahissement des Indiens Mansos, abandonnés à leur initiative, à leurs ressources. Royalement récompensé, le docteur repartait pour sa résidence et quittait, non sans un serrement de cœur, ses amis d'un jour, qu'il ne reverrait peut-être jamais. La caravane s'avance ainsi, en tête, à cheval, deux chasseurs du Texas, excellent batteur d'estrade, fins tireurs, connaissant bien la vie au désert, ils éclairent la route, relèvent les accidents de terrain et signalent tout ce qu'ils découvrent de suspects, hommes, bêtes ou choses. En arrière, un premier chariot escorté de cavaliers. Du reste, toute la troupe est à cheval. Puis, un homme seul suivant immédiatement ce chariot et précédant de 25 mètres le second, puis le troisième et le quatrième ainsi escortés et convoyés. À l'arrière-garde, marche un solide peloton de 6 hommes. Ces derniers surveillent la file avec mission de repousser quelque attaque sournoise. Don Blas et sa femme, Harry et Juana, marchent par couple au gré de leur fantaisie. On n'a pas voulu emmener un seul serviteur indien, pas même le vieux Toribio et sa femme, non plus que les péons attachés au service particulier des maîtres et qui ont vécu depuis 20 ans dans l'intimité familiale. Les larmes aux yeux, ils ont dû rester à l'hacienda, sur l'ordre formel de Don Blas, passer, comme tous les violents, d'un extrême à l'autre, de la confiance aveugle à la défiance excessive. Du reste, les premières journées de ce voyage sont en vérité charmantes. On part dès le lever du soleil et on fait en moyenne de 5 à 6 kilomètres à l'heure. Une véritable promenade par une température délicieuse. On stoppe à 10 heures pour le déjeuner des gens, le repas des bêtes et la sieste générale. Puis on repart à 3 heures et on chemine ainsi jusqu'au coucher du soleil. Le soir venu, les chariots sont disposés en croix de Saint-André, les bêtes sont entravées et les gens campent dans les angles formés par l'intersection de la ligne des véhicules. Des feux sont allumés, on dîne, puis on s'endort sous la garde de sentinelles relayées d'heure en heure. Et ce voyage presque douloureux au début devient presque une partie de plaisir, surtout pour Juana qui n'avait pu quitter sans un cruel serrement de cœur le séjour tant aimé de son enfance. Du reste, Harry est le plus aimable et le plus prévenant de tous les compagnons. Il s'ingénie à distraire la jeune fille et réussit à l'arracher à cet ennui qui la ronge. Les jours s'écoulent sans incident notable. On rencontre de temps en temps quelques troupes d'Indiens bravos, des lépans, des mescalieros ou des ricarillos. On leur fait quelques menus cadeaux et ces pillards féroces, intimidés par le nombre et l'armement des Blancs, se retirent avec des protestations d'amitié. Et Harry, qui ne peut les sentir, ajoute invariablement « Ah, oh, les rascals, s'ils osaient, s'ils pouvaient, comme ils seraient heureux de cueillir nos chevelures !» Bientôt, des émanations saturées d'humilité signalent l'approche de la lagune. C'est un véritable lac, aussi grand qu'un arrondissement de notre France. Les terrains s'abaissent. Au sable d'où émergent les tristes végétaux du désert, cactus géants, euphorbes, nopales et aloès, succèdent une flore admirable d'éclat, de dimension et de variété. Il y a de tout dans ce paradis terrestre, dont l'aspect ferait Pamédèse le moins impressionnable des botanistes. Palmiers, citronniers, orangers, calebassiers se mêlent aux mesquites épineux, dont les pâles frondaisons se confondent avec les feuilles et la gousse odorante de cette liane précieuse qui les escalade, la vanille. Puis ce sont, voisinant dans un désordre plein de charme et d'imprévus, les arbres à beurre et les caféiers sauvages, les arbres à pin et les figuiers, les bambous et les palmiers du voyageur, les arbres à lait et les lauriers roses, avec un sous-bois où s'épanouissent l'ananas, le tabac, le coton, la canne à sucre. Une serre admirable jusqu'à l'éblouissement, merveilleuse jusqu'à la satiété, jusqu'à la fatigue, qui semble commencer partout et ne finir nulle part. Et cette féerie de fleurs, cette surabondance de couleurs, cette profusion de parfums, avec ses envolées d'oiseaux, ses bourdonnements d'insectes, ses jeux de lumière, ses volettements de papillons d'azur, de libellules d'émeraude, de mouches d'or pâle, de colibris, de rubis et de saphirs. À chaque moment, les voyageurs extasiés voudraient crier leur admiration. Ils épuisent les épithètes, le vocabulaire devient insuffisant. Une longue coulée pareille à une route et mieux encore, au lit d'une rivière desséchée, traverse l'éblouissant parterre, descend en pente insensible vers la lagune désignée aussi sous le nom de lac des Caïmans par les géographes et qu'on croit apercevoir là-bas, aux confins de l'horizon, sous de lourdes brumes grisâtres. Et Don Blas, tout joyeux, s'écrie « Nous voici donc au terme de notre voyage. » « 8 jours seulement, une simple promenade, » ajoute Harry, habitué aux interminables chevauchées dans le désert. « Nous allons camper ici, » reprend la scène des héros, « faire de nos chariots une installation provisoire, puis chercher, à loisir, la place de notre futur établissement. Permettez-moi de vous faire observer que nous sommes dans le lit d'un cours d'eau. Ne pensez-vous pas qu'il serait prudent de choisir un lieu plus élevé ? Oui, sans doute, mais sur cette large traînée de sable, à peine plus basse d'ailleurs que les terrains voisins, nous avons l'avantage d'être à découvert si les Indiens tentaient de nous attaquer. Je ne crois guère à un coup de main des Rouges. Veuillez d'autre part songer à ce qui arriverait en cas d'orage. Voyez donc comme l'atmosphère est lourde, comme des nuées sombres montent sur l'horizon. « Bois, laissez donc !» interrompt Don Blas, qui se cabre toujours à la moindre contradiction. Il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis 2 mois. Ce qui n'est pas une raison pour qu'une trompe ne s'abatte pas sur nous aujourd'hui même. Naturellement, la scène des rois ne tient nul compte de ses sages avis. Habitué à commander en maître absolu, il hausse légèrement les épaules et ordonne la halte. Juana, qui vient d'entendre la sage observation de Harry et qui en comprend toute l'importance, essaye à son tour de vaincre l'obstination de la scène des rois. « Père, » dit-elle doucement, « Mr. Jones a raison. Songez quel désastre devant une crue subite !» Dunblass rougit de colère. Son front se plisse, coupé par la saillie d'une grosse veine. « Assez !» dit-il d'une voix cassante. « À défaut de subordination au maître qui ordonne, vous devez obéir aveuglément à l'autorité du père. » Ce petit incident, tout intime, dont les suites vont être terribles, passe d'ailleurs inaperçu au milieu du tumulte joyeux accompagnant la halte. On entrave les mules et les chevaux, on court à la corvée d'eau et de bois, on déballe les provisions, on cueille aux arbres voisins quelques beaux fruits, on prépare gaiement le dîner qui sera le bienvenu après cette dernière journée de marche. Il est près de 5 heures. Dans 2 heures, ce sera la nuit. La belle troupe de Harry est redevenue vigoureuse comme jadis, et avec sa magnifique endurance, elle a retrouvé tout son entrain. Aussi fait-elle honneur, et largement, à ce repas en plein air présidé par les deux dames, Dunblass et Harry. Cependant, la préoccupation de ce dernier grandit au fur et à mesure que le soleil s'abaisse. Ce disque rougeâtre, énorme, qui s'embrume peu à peu, n'a ni sa couleur, ni ses dimensions normales. « Soleil d'orage, soleil de cyclone !» murmure le jeune homme d'une voix basse comme un souffle. Néanmoins, Juana l'entend et répond sur le même ton. « Craignez-vous réellement une catastrophe ?»« Oui, Miss Juana, j'ai peur. Parce que vous pouvez être en danger. Peu m'importe le reste. »« Que faire ? Et mon père qui ne veut rien voir ni rien entendre ?»« Mais je veillerai sur vous, n'est-ce pas, Miss Juana ?»« Tenez, d'abord, permettez-moi de vous donner un conseil. » Restez vêtue et chaussée ce soir sous votre tente, et priez Donia Laura, votre mère, de faire comme vous. » Cette conversation à demi-voix échappait à Dunblass, qui affectait et ressentait peut-être une superbe assurance. Il allait bientôt être cruellement désabusé. On sait que sous les tropiques, la nuit arrive presque sans crépuscule, avec une rapidité prodigieuse. En moins d'un quart d'heure, les ténèbres enveloppent la caravane et le splendide parterre où elle s'est imprudemment arrêtée. Les premières heures s'écoulent néanmoins dans un calme trompeur. L'atmosphère est devenue suffocante, comme celle d'une serre chaude. Tous les oiseaux nocturnes, toutes les bêtes de proie ont interrompu leur vacarme. De gros nuages noirs, ourlés de cuivre, commencent à courir devant les étoiles dont chacune s'est entourée d'un halo. Quelques éclairs zigzaguent à travers ces masses de vapeur. Puis, un formidable coup de tonnerre éclate. C'est l'orage. Peut-être l'ouragan redouté par Harry Jones. Les mules ruent et s'évrouent, les chevaux hennissent et se cabrent. Les hommes se lèvent en tumulte. Ils allument des falots, vérifient les attaches des bêtes et resserrent leurs entraves. L'orage grandit. Les éclairs se confondent en une seule conflagration et les éclats de foudre retentissent sans relâche. La pluie se met à tomber. Une pluie torrentielle, qui roule en trombe comme si la main d'un titan pétrissait ses nuées saturées d'eau. Juana et sa mère se sont levées, éperdues, fuyant l'abri précaire de leur tente qu'un coup de vent balaye quelques moments après. « Ma fille, Juana, mon enfant !» gémit la mère, « ne me quitte pas !»« Je suis là, mère, je suis là !» Cramponnées l'une à l'autre, courbant le front sous le déluge, elles cherchent d'un regard angoissé Dunblass et Harry, les protecteurs. La scène des rois a perdu la tête, hurlant des ordres insensés, courant, s'agitant, gesticulant. Dunblass va d'un groupe à l'autre, se heurte aux gens et aux bêtes, augmente encore, s'il est possible, le désarroi, et communique autour de lui sa folie. Déjà retentit au milieu de l'épouvante qui envahit les plus braves, ce cri sinistre, « Sauf qui peut !» Cette clameur de désespérance et de lâcheté, Harry l'entend, la rage au cœur, il arme son revolver, et d'une voix qui domine le fracas des éléments déchaînés, s'écrie, « En place, tout le monde, en place! Je fais sauter le crâne au premier qui bouge !» Intrépide et calme, on le voit dépasser de la tête la cohue effarée, affronter les éléments, se prodiguer en gestes, en paroles d'énergie, et cela suffit pour infuser à chacun un peu de son sang-froid et de sa vaillance. Nul ne songe plus à fuir. L'affreuse déroute est enrayée. Alors on se courbe sous l'orage qui redouble de violence. L'orage. on irait des centaines et des centaines de grosses pièces d'artillerie qui tonneraient à la fois et sans relâche. La pluie, elle fait songer à des millions de jets de pompes à vapeur braqués au même endroit. Les hommes et les bêtes, frappés de stupeur, noyés sous la cataracte, se tassent dans une immobilité passive en attendant l'éclair qui va tout foudroyer sur place. Et cela dure déjà depuis 3 mortelles heures. Harry s'est rapproché des 2 femmes, près desquelles est enfin revenu s'échouer Don Blas. Il les trouve moins déprimées qu'il ne le craignait tout d'abord, et constate avec joie qu'elles arrivent à surmonter une terreur, hélas, bien naturelle, en pareil moment. « Courage, señoras, courage !» leur dit-il entre 2 rafales. « Cet orage ne saurait durer toujours. D'ici peu de temps, le calme va renaître. » Brusquement, un cri d'effroi échappe à la jeune fille. « L'eau, l'eau qui monte !»« Hell damn it !» rugit Harry. « C'est l'inondation. Il faut évacuer le torrent. » Déjà, une couche d'eau serpente à travers toutes les pierrailles amenées par les crues antérieures. Au loin, on perçoit des grondements de cataractes. « Si nous grimpions sur les wagons ?» balbutie Don Blas qui déplore son fatal entêtement. « Gardez-vous-en bien, sur votre vie !» riposte vivement Harry. « Si le courant est violent, ils seront culbutés et roulés, avec vous comme des fétus !» C'est bien l'inondation redoutée d'instinct par le jeune Américain. Un seul moyen de salut s'offre à lui, c'est la fuite rapide, cette fuite à laquelle il vient de s'opposer sous la menace de son revolver. Assumant sur lui tous les risques et toutes les responsabilités du commandement, il s'écrie sans plus s'occuper de Don Blas. « Camarades, de votre obéissance à mes ordres dépend notre salut à tous. Exécutez-les sans précipitation, avec précision, et je réponds de tout. C'est compris ?»« Oui, oui, Harry, nous avons confiance. Commandez !» répondent quelques voix rudes. « Go, Harry, go, go on !»« Bon, je compte sur vous. Détachez les mules et coupez leurs entraves. » L'eau monte avec une rapidité alarmante. Elle atteint le jarret des bêtes qui s'ébrouent et se cabrent. La manœuvre s'exécute en un moment, non sans difficulté ni péril. Les mules, enfin libérées, bondissent en soulevant des nuages d'écume et s'enfuient à travers bois. « Elles reviendront !» dit le jeune homme qui ajoute aussitôt. « Les chevaux ! Scellez les chevaux !» Lui-même s'échappe un moment pour harnacher les bêtes de Juana et de sa mère. Un soin qu'il ne veut confier à personne. Surtout dans des conjonctures aussi tragiques. L'eau monte toujours avec des grondements de cataractes. Elle atteint et dépasse le genou de Juana. Déjà, le courant est rapide. On le voit, à la clarté livide des éclairs, charrier des arbres déracinés, des branchages, des paquets de lianes. Les hommes commencent à ne plus pouvoir maîtriser leur monture. Harry commande pour la 2e fois. « Coupez les entraves !» Puis aussitôt, « En selle, mes amis, go ahead, et à la grâce de Dieu !»« Hip hip hip, hurrah !» crie à pleine gorge les hommes au milieu du vacarme de la tempête. Puis ils s'élancent à droite et à gauche, suivant leur inspiration ou le caprice de leurs bêtes affolées. Reste seul Don Blas, Harry, Doña Laura et Juana. En un tour de main, le jeune homme hisse Doña Laura sur sa bête qui renacle, puis il s'écrie « En selle, Don Blas, en selle ! À votre tour, señorita !» Il soulève comme un enfant Juana, la met bien d'aplomb sur le cheval noir, puis s'immergeant à mi-corps, tranche en un clin d'œil les entraves. D'un bond, il saute sur son Mustang et crie « Suivez-moi, ne me quittez pas !» Il est temps. Les malheureuses femmes, trempées, échevelées, crispées d'épouvante, ont peine à diriger leurs chevaux qui ont de l'eau jusqu'au ventre. Au milieu de l'indescriptible désarroi, risquant chaque seconde ou d'être emportées par le courant ou d'être culbutées par les végétaux en dérive, les 4 cavaliers peuvent enfin quitter le lit du torrent. Croyant leur salut assuré, ils poussent un cri de joie. À ce moment, retentit un coup de tonnerre effroyable, accompagné d'un éclair aveuglant. La foudre s'abala, devant eux, les enveloppant d'une atmosphère de soufre. Des arbres s'écroulent, fracassés. Les chevaux se cabrent au milieu du remous et des débris. Il y a quelques secondes d'obscurité, puis de nouveaux éclairs illuminent cette scène terrifiante. Une plainte déchirante s'élève dans ce tumulte d'éléments en furie. « Ma fille ! Où es-tu, ma fille ?» gémit d'une voix qui n'a plus rien d'humain, la mère qui se sent mourir. « Miss Juana !» crie Harry, dont le sang se glace. Horreur ! Ils ne sont plus que 3. Don Blas, atterré, sanglote comme un enfant et semble frappé de folie. Au milieu des eaux qui grondent, des arbres qui s'écroulent, des choses sans aspect et sans nom qui s'agitent dans cette nuit d'enfer, la jeune fille a disparu.